Allez, nouvelle table ronde sur Tatou Juste, le rendez-vous de la transition écologique. Alors en direct sur l'antenne de Radio Ondaine, sur l'antenne de Radio Dio, de Radio Associative en Loire-Sud, où on s'associe depuis un certain nombre d'années à l'occasion donc de Tatou Juste, et c'est en ce week-end, les 22 et 23 novembre, Parc Expo à Saint-Étienne. Alors le titre de cette discussion, c'est « Témoignage d'une jeunesse face à l'éco-anxiété et l'état social politique du monde ». Tout un programme en discussion, mais qu'on va développer. Alors le point de départ, dans le cadre des 20 ans de Tatou Juste, la compagnie de théâtre La Tranchante joue à la fin Le Colibri, il meurt, et propose donc en amont 4 jours d'ateliers de théâtre à destination d'un groupe de jeunes entre 12 et 15 ans, groupe de jeunes issus de la MJC Les Tilleuls. Et ces ateliers-là avaient pour objectif, entre autres, de mieux comprendre, donner des clés de compréhension du spectacle. Alors de ces 4 jours, on ressort entre autres un reportage audio enchaînant discours, captations de jeux, commentaires des participants. Et pour cette émission, on va revenir sur ce projet-là. On vous propose aussi, enfin, de cette table ronde, la diffusion entière de cette captation audio qui résume un peu ces 4 jours. Alors pour revenir sur ce projet, nous recevons Anaïs, porte-parole, qui sera porte-parole des jeunes participants. Nous recevons également Djemin Beramdan, qui est de la MJC des Tilleuls, et puis Louise Forêt de la compagnie La Tranchante. Alors bonjour à tous les trois, merci d'être venu. Salut. On salue aussi le public présent ici dans notre espace radio dans Tatou Juste. Alors, faisons les présentations. On va commencer par la compagnie La Tranchante. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on est une compagnie de théâtre musical à Saint-Étienne qui existe depuis bientôt 5 ans. Les lignes artistiques qu'on essaye de défendre et de proposer tant dans nos créations que dans les ateliers ou les actions culturelles qu'on peut donner à côté, c'est des lignes déjà où la musique est très présente, mais aussi surtout où des thématiques sociales et politiques sont présentes dans énormément de choses qu'on propose. Alors théâtre politique, on peut appeler ça comme ça ? Oui, on peut dire ça comme ça. La semaine dernière, on était sur radio, sur ici Saint-Étienne-Loire, et justement, on a beaucoup abordé cette question-là de théâtre politique, puisque c'est un peu ce qui nous anime. Alors justement, comment ça vous anime, ce théâtre politique ? Alors j'imagine qu'il faut déjà avoir cette conscience-là, donc c'est peut-être des autres personnes qui font partie aussi de la compagnie, vous retrouvez autour de ça. Alors comment on développe cette compagnie quand on prend cet axe-là ? Je pense que comme je disais, ça se développe à la fois dans nos créations, donc dans nos spectacles, sur les thématiques qu'on va défendre. Le premier spectacle dont vous avez parlé justement, c'était à la fin Le Colibri, il meurt, qui traitait d'éco-anxiété, de santé mentale, mais aussi de ces thématiques-là sous le capitalisme, et d'essayer de décortiquer aussi les injonctions au bonheur et le développement personnel en les resituant dans le système capitaliste dans lequel ils sont en prise. Le deuxième spectacle qu'on a monté, c'était Femmes qui parlent vite, où là, pour le coup, c'était plutôt donner la parole aux femmes et essayer de construire une sorte de multiplicité d'identités possibles sous ce terme-là, femme. Donc ça, c'est les deux créations qu'on a à notre actif. Et puis, on a été 3 ans en compagnonnage au Centre culturel de la Récamarie, qui développe beaucoup d'actions sur le territoire, avec des associations, avec des habitants, avec les quartiers qui sont autour du Centre culturel. Donc c'est aussi prendre part à une forme de démocratisation théâtrale, culturelle, et de donner accès à certains outils artistiques et théâtraux à des personnes qui peuvent en être éloignées par ailleurs. Alors c'est le cas de ces ateliers que vous avez menés à la MJC des Tilleuls. Alors on va continuer les présentations. Djemin, la MJC des Tilleuls, qu'est-ce que c'est en quelques mots pour les personnes qui ne connaissent pas Saint-Étienne ? Ok, déjà bonjour à tous. Moi c'est Djemin, je travaille à la MJC des Tilleuls avec un public ado. Nous, la MJC des Tilleuls, on est axé du coup sur de la culture, parce que maison de la jeunesse et de la culture, et aussi sur des sujets sociaux où justement on propose aux adolescents des projets socioculturels du type du théâtre, comme on a fait avec vous, La Tranchante. Voilà, on a pu aussi évoquer sur nos différentes antennes, hein, que ce soit sur Radio Dio ou sur Radio Ondaine, des projets, notamment ces films sur les parcours migratoires qui ont été réalisés par les jeunes de la MJC. Alors c'est dans l'ADN hein, de la MJC de proposer tout ça. La mise en place d'un projet tel que celle-ci, tel que celui-ci, ça part de quoi ? Ça part de l'adhésion des jeunes au projet ? Ça parle de la présentation ? Est-ce que c'est descendant ? Est-ce que c'est la tranchante qui propose ? Est-ce que c'est la MJC qui demande ? Ou est-ce que ce sont les jeunes finalement qui en émettent un peu le désir de participer à des projets comme ceci ? Je pense que c'est un projet un peu quadripartite en fait, parce qu'à la base c'est venu de la volonté du Salon Tatou Juste de programmer le spectacle à la fin Le Colibri il meurt pour les 20 ans du salon, pour un peu organiser d'autres événements en amont du salon et fêter un peu les 20 ans. Et du coup, au partir du moment où on a cherché une salle pour la représentation, on s'est adressé à La Comète. Et donc là, Magali Clément de La Comète nous a proposé la prise en charge financière du spectacle. En contrepartie, il fallait qu'on développe un projet d'action culturelle en lien avec le spectacle, parce que c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de La Comète. Et donc c'est là que j'ai fait appel à Ophélie, une des animatrices de la MJC que je connaissais déjà, en sachant déjà que la MJC développait beaucoup de projets quand même assez politiques et sociaux au niveau des thématiques abordées, et je me suis dit que ce serait vraiment le public idéal pour proposer ces ateliers-là en lien avec le spectacle. Voilà. Et pour être en lien du coup avec ce que tu dis, nous on a fait tout un travail autour de votre spectacle de théâtre. Est-ce que tu veux en parler juste en dessous ? Oui, justement, Anaïs, on t'a pas entendu. Alors, le spectacle de théâtre. Du coup, Anaïs, juste toi, quand tu as adhéré au projet, comment te l'a présenté ce projet-là ? Est-ce que tu étais déjà dans cette motivation de participer à ce spectacle de théâtre, ou est-ce que c'était la découverte ? C'était un peu la découverte de ce spectacle. Mm-hmm. Ouais, donc on t'a proposé ça, oui. Et tu as adhéré. On te propose 4 jours d'atelier, hein, c'était ça, hein, 4 jours d'atelier. C'est quoi le premier sentiment que tu as déjà, le groupe, il était constitué de combien de personnes ? On était, je crois, une dizaine. Ouais, une dizaine à participer. Et puis oui. C'est quoi la première idée qu'on se dit ? Est-ce que tu savais exactement ce que tu allais faire, ou est-ce que tu as découvert au fur et à mesure et au fil du temps ? On a un peu découvert au fur et à mesure du temps. Mmh. Mais t'avais déjà les pieds dedans, parce que t'avais déjà fait du théâtre, t'avais déjà fait des choses à la MJC. Oui. Qu'est-ce que t'as monté comme projet de théâtre avec la MJC ? On a monté le projet L'Archimature, qui parle des relations entre les parents et les enfants. Ouais, alors déjà c'est un sujet qui est plutôt complexe, donc j'imagine que donc tu étais déjà dans cette démarche de réflexion dans ce projet avec la tranchante. On parle un peu de l'éco-anxiété, c'est un mot quand même assez difficile à définir. Et puis comment on l'amène, là je m'adresse à Louise, du coup, comment on l'amène finalement à des adolescents, cette notion-là, par quel biais, par quelle entrée on en printemps. Ben ça, vous pourrez le découvrir dans le podcast qu'on diffusera après, mais c'est vrai que je me suis dit, comment j'amène cette thématique-là sans plomber les enfants, comment je les amène à parler de ça sans forcément que ça soit hyper présent non plus dans leur tête. Donc l'idée, c'était de leur apporter des matériaux de théâtre, de texte, pour s'emparer de ces questions un peu autour de l'éco-anxiété, mais plus généralement de l'écologie, puis de lutte sociale. Et puis, en fait, tout simplement partir d'eux. C'est pour ça que j'ai aussi pris des temps pour avoir des discussions, pour les interroger, pour leur poser des questions sur leur rapport à ces thématiques-là. Aussi pour moi me défaire d'a priori avec lesquels je pouvais arriver, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'était qu'ils avaient une volonté aussi d'écrire un spectacle sur l'écologie après leur spectacle sur le lien entre parents et enfants. Et le nouveau thème dont il voulait parler, c'était ça. Donc ça tombait bien aussi que j'arrive avec cette proposition. Mais du coup, l'idée, c'était que aussi, ça parte de les réflexions. Même si moi, je vais leur amener des questions, je vais leur amener des pistes de réflexion, je vais leur amener des textes et tout ça. C'était vraiment d'avoir, eux, leur positionnement par rapport à ces thématiques-là. Et vous verrez dans les témoignages qu'on entend qu'il y en a autant qui sont très impactés par les questions écologiques, l'éco-anxiété et tout ça, autant qu'il y en a pour qui c'est pas un sujet important, voire qui en ont marre, qu'on leur rabatte les oreilles avec l'écologie tout le temps. Voilà. Ah bah du coup, Anaïs, si tu dois répondre à ça, toi, tu as quelle sensibilité par rapport à l'écologie ? Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse ou, comme le disait Louise, finalement, c'est quelque chose qui ne traverse pas finalement ton quotidien ? Si, c'est un sujet important qui me touche. On en parle un peu à l'école, avec la maison aussi. Donc voilà. Alors c'est tout l'enjeu en fait de l'éducation populaire, c'est aussi de parler de ces sujets-là, mais dans la préparation de cette discussion, on parle finalement du poids qu'on met sur les épaules des enfants, des adolescents qui se retrouvent avec ce fardeau de générations antérieures qui n'ont eu faire de ces questions d'écologie, et on demande beaucoup aux générations futures et ça c'est peut-être aussi un peu délicat parce que finalement on a tous passé par notre enfance, notre adolescence et on se retrouve à donner des responsabilités. Je parle pour ma part, à mon époque on ne les avait pas, ces responsabilités là on nous interroge beaucoup. C'est difficile ça de faire la part des choses. Un atelier c'est aussi du jeu, hein, c'est du jeu entre guillemets, mais c'est un moment de loisir dans le cadre du centre social. Alors Jemine et Louise, comment vous abordez ça avec ces enfants-là pour pas que ce soit finalement trop lourd à porter ? Eh ben, on utilise beaucoup de pédagogie, énormément de pédagogie dans nos actions, dans nos animations, pour justement parler de choses hyper concrètes, mais tout en s'amusant, tout en connaissant le sujet, ça permet de connaître le sujet. On peut autant aller regarder un film, je parle là pour la MJC, autant aller faire un jeu par rapport au sujet pour parler de différentes thématiques, que ça soit politique, que ça soit l'économie, que ça soit vraiment tout type de choses. Voilà, et c'est d'amener différents outils de compréhension. Exactement, c'est de la pédagogie. Mais voilà, la pédagogie, c'est important. Anaïs, on va encore t'interroger. C'est 4 jours d'atelier. Dis-moi dans quel état d'esprit tu y allais et qu'est-ce que tu as découvert sur toi, alors, sans être dans l'intimité, mais même sur les autres. Voilà, est-ce que vous avez évoqué des sujets avec tes copains spécifiquement sur ce moment-là ? Ou est-ce que, alors, question plus simple, de quoi vous parliez entre vous durant ces ateliers ? Alors Louise, va nous aider. La discussion que tu as pu, toi, découvrir entre eux, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise ? Tu le disais tout à l'heure, tu l'évoquais, on l'entendra dans ce reportage-là, mais est-ce que est-ce qu'on a ressenti finalement des moments un peu de discussion entre eux, où ils s'appropriaient le sujet, au-delà même de la réalisation de l'atelier ? Oui, bah, je pense que c'est justement dans les temps de discussion et de récolte de témoignages que j'ai essayé d'amener que ça s'est révélé, ce genre de... Enfin, qu'il y a pu y avoir des surprises et qu'il y avait vraiment ce phénomène d'appropriation, comme tu disais, d'appropriation du sujet. Il y a eu notamment, je pense, à une après-midi où on faisait un partage de ressources. Donc, je leur avais demandé d'apporter des textes, des chansons, n'importe quel matériau artistique ou écrit en lien avec les thématiques qu'on traitait. Et donc, il y a vraiment des moments où c'est parti en débat assez enflammé. Et je voyais qu'il y avait vraiment déjà des opinions assez tranchées chez certains, certaines, et une envie de débattre et d'avancer des arguments et parfois des opinions qui pouvaient être contradictoires, mais où je sais pas, il y avait une forme de débat qui était super intéressante, je trouve, et où c'est là que c'était le plus, enfin ouais, c'était là que c'est le plus intéressant, parce que c'était voir comment leur pensée en action et leur envie de défendre leurs opinions au-delà de ce que moi j'avais pu leur apporter d'un peu plus ouais, de déjà préécrit et déjà écrit par des adultes, quoi. Moi, ce que je trouve fou dans ces ateliers-là, c'est souvent dans les temps off où on en tire le plus de choses. Mm-hmm. Enfin, là, si je parle aussi d'outils d'éduc pop, les débats, les choses comme ça, les débats mouvants, etc. Et ben, c'est là où on en tire le plus de choses et où justement chaque individu, chaque adolescent prend la parole par rapport au sujet et donne son avis. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a de la mixité autour justement du sujet. Il y a des gens, comme tu as dit tout à l'heure, Louise, qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. Et en fait, c'est aussi ça, l'être humain. Et puis, dans ces ateliers-là, chacun a finalement amené un peu des représentations, des reflets qu'ils ont. Si l'on parle de Orelsan qui intervient dans ces différents éléments. Greta Thunberg aussi, où là, on est quand même dans une relation, entre guillemets, de pair, ne serait-ce que sur la différence d'âge. C'est des éléments importants aussi de prendre en compte, finalement, le désir de ces adolescents et ne pas amener... son manuel ce qu'il faut suivre pas à pas. La finalité, hein, c'est cet enregistrement audio que l'on entendra tout à l'heure, c'est également l'idée de créer, et c'est aussi assister à la fin, le colibri il meurt. Alors justement, on va parler peut-être avec Anaïs, à la fin le colibri il meurt, il y a Louise à côté, t'en as pensé quoi? Moi, j'ai bien aimé à la fin, le colibri meurt. J'ai pas tout compris parce qu'il y avait des choses assez dures à comprendre pour une enfant, pour quelqu'un de mon âge. Mais ça t'a plu, le sujet t'a plu. Alors justement, à la fin, le colibri il meurt, on en a un peu parlé, ça date de 2021, donc c'est quelque chose qui, qui est dans l'historique, hein, et puis qui est fondateur un peu de la compagnie. Toujours d'actualité? Ah ben, toujours d'actualité, puisque là, on l'a joué, c'était le 31 octobre, et il y a toujours des personnes qui nous remercient, qui sont très contentes d'avoir assisté à ce spectacle, à qui ça parle énormément, à qui ça fait beaucoup de bien. Donc je pense que c'est toujours d'actualité, même si on a commencé à l'écrire en 2019, avant le Covid, et que toutes les questions de santé mentale, d'écologie et de pandémie... et de comment on fait société, elles sont venues s'accélérer avec le Covid, le confinement et tout ça. En fait, c'est toujours d'actualité, et je pense même que c'est des sujets dont on parle un peu plus qu'au début où on commençait à écrire le spectacle et pendant les premières représentations aussi. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus d'ouvrages qui sont sortis depuis, qui sont sur ces thématiques-là, sur la remise en question du développement personnel, la remise en question de l'écologie individualiste. Et nous, on était un peu dans les prémices de cette prise de conscience-là, enfin, sans vouloir dire qu'on était de l'avant-garde, mais les ouvrages qui sont sortis après sont venus confirmer l'intuition qu'on avait dans le spectacle. C'est plutôt ça que je voulais dire. Alors, si on reste un peu dans cette idée d'accompagner dans l'éduc pop les enfants dans leur développement, on est conscient que ce genre d'atelier, c'est aussi libérer la parole, c'est donner un espace un peu de liberté, mais il faut quand même cadrer tout ça. Alors, est-ce qu'on met quels sont les garde-fous que vous mettez, vous, à la MJC, s'il y en a, et puis dans quelle mesure on entend tout ce que les enfants et adolescents revendiquent, et dans quelle mesure on revient faire, entre guillemets, un recadrage, si au cas échéant. Et de toute façon, à chaque début de projet, en général, on fait des règles de vie collectives, tous ensemble. Il y a des règles de vie aussi même autour de l'espace jeune qui font que ce cadre-là ne peut pas être dépassé. Je parle notamment s'il y a un enfant, enfin un jeune, chose qui n'arrive pas chez nous, et des propos discriminatoires, il a déjà signé le papier où il sait qu'il ne peut pas mettre des propos discriminatoires dans sa parole. Donc ça, il le sait. Puis notre engagement, nous, en tant qu'animateurs et en tant que personne, fait qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire ça. Et que justement, au pire des cas, même s'il y a un enfant qui peut avoir un propos discriminatoire, nous, comment on fait en tant qu'animateurs, justement, pour qu'il y ait de la transmission, et qui est de la transition sociale par derrière, justement. Alors Louise, ce genre d'atelier, vous parlez tout à l'heure, je parlais de descendant montant, mais qu'est-ce que ça met ensuite en vous, dans, au sein de la compagnie? Est-ce que ça vous en servez aussi pour développer les sujets et la manière de travailler finalement de, est-ce que c'est aussi ce qui peut influencer le travail de la compagnie, le fait de faire ces rencontres et de vivre plusieurs jours avec des personnes d'une autre génération et notamment là ces adolescents? Alors dans le cadre de ce projet-là, plutôt non, parce que le spectacle était déjà écrit et que voilà, les ateliers c'était pour leur donner des clés de compréhension du spectacle et leur permettre eux d'écrire leur propre spectacle derrière. Pour l'instant, on n'a pas travaillé de cette manière-là en immersion pour écrire à partir de rencontres avec des groupes ou de récoltes de témoignages et tout ça. Mais je pense que ça pourrait advenir un jour parce que moi, dans mon travail, ce que j'aime faire, c'est aussi partir des gens et de l'intime pour replacer ça dans des contextes politiques. Et c'est aussi d'avoir une pluralité de points de vue sur une thématique et un sujet, parce que je trouve ça super important de pas avoir que moi, mon point de vue et éventuellement mes lectures et tout ça, mais d'être aussi enrichi par d'autres vécus, d'autres points de vue. Donc je pense que ça pourrait arriver, oui, effectivement, qu'on travaille de cette manière-là. Alors, autre finalité de ces 4 jours d'atelier, c'était la création d'un spectacle de théâtre. Alors, est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est écrit? Où est-ce que ça en est, Anaïs? Non, on n'a pas commencé à écrire un spectacle, mais on a eu des idées pour créer un futur spectacle prochainement. Quelles sont ces idées-là? Fais-nous un petit teaser de ce que l'on découvrira. Dans le spectacle, on aimerait qu'il y ait toujours du théâtre, de la musique. Je ne sais plus ce qui... Et les thématiques, la thématique générale, ce serait quoi? Sur l'écologie, on voulait faire le spectacle. D'accord. Donc là, l'accompagnement va se poursuivre. Il y a une échéance sur la réalisation et la finalisation de ce spectacle-là? Alors ça, moi, je suis pas forcément au courant parce que... Ça, c'est Jamine qui... Jamine ou Ophélie. Plutôt, ouais, Ophélie et moi qui allons discuter de ça, là. Ouais. On va voir les tenants et les aboutissants. Et on va, bien sûr, on va continuer le projet et on va le finir. Voilà, et c'est toujours aussi la difficulté qu'on peut avoir hein, dans un lieu tel que la MJC des Tilleuls, c'est finalement garder l'engouement de ce groupe jusqu'au bout, sans obliger, parce qu'en fait... bien sûr, c'est du loisir. Quand on oblige, ça devient une contrainte et qu'effectivement, l'idée, c'est que ce soit du loisir. Si l'on parle de la tranchante, les actualités et puis le futur, qu'est-ce qui se passe au niveau de la tranchante? Alors c'est une année un petit peu particulière, un peu comme une sorte de jachère, parce qu'on sort de 3 ans de compagnonnage à la Ricamarie, comme je le disais tout à l'heure, et qui ont été très très denses, et où on a sorti une création Femme qui parle vite l'année dernière. Et du coup on est déjà dans essayer de diffuser ce spectacle là et bon c'est un travail assez difficile là de nos jours avec l'état actuel de la culture et du théâtre que d'arriver à trouver des dates pour jouer son spectacle, donc on a embauché quelqu'un qui est dédié à cette tâche ingrate et on a quand même une date de femme qui parle vite qui arrive le 7 mars à la MJC des Passerelles à Mouron-les-Bains. Voilà, et puis et d'autres créations solo de ma collègue Salomé Chabouzi qui tient la compagnie avec moi, qui arrive dans cette année scolaire là. Et sinon, moi, je me lance là dans l'écriture d'un nouveau projet justement. Je suis vraiment aux prémices embryonnaires des idées. Mais l'idée, c'est de lancer quelque chose de nouveau sur cette année scolaire, chercher des financements pour ça, chercher des partenaires, et plutôt pour une sortie sur la saison prochaine. Voilà, le nerf de la guerre. Mais si voilà. On revient sur ces 3 années passées en collaboration avec le centre culturel de la Ricamarie, c'est toute cette idée-là. Alors, ce centre culturel est installé au bas du quartier du Moncel, dans la ville de la Ricamarie. Ouais. Et l'idée qu'il développe depuis des années, c'est finalement d'inviter toutes les personnes qui habitent autour, qui passent devant pour, avant d'entrer chez eux, les inviter à rentrer dans ce lieu parce que souvent dans l'esprit de ses voisins. C'est un endroit qui n'est pas accessible. C'est un endroit où on ne peut pas y aller. C'est aussi ça l'intérêt, c'est d'aller aussi au devant des publics. Oui. Ben, c'est vraiment, moi, dans l'impression que j'en ai de ce centre culturel, c'est à moitié un lieu de diffusion et de programmation, donc de spectacle, et à moitié un lieu d'action culturelle pour sortir le théâtre du théâtre et l'amener dans les quartiers, dans les collèges, les écoles primaires, et à la fois amener les habitants locaux au théâtre, alors que les abonnés sont quand même principalement pas des personnes des quartiers autour de la Ricamarie, mais plutôt des Stéphanois ou des personnes plus aisées plus CSP+, quoi. Voilà, et puis initiés aussi et habitués de ce genre de lieu. Oui. Avec l'école après, avec les centres sociaux, je trouve quand même qu'il y a... Il y a cette accessibilité, mais c'est vrai que quand on rentre dans l'endroit, etc., quand c'est pas forcément nos endroits qu'on fréquente, etc., ça peut faire peur, etc. Je connais bien, moi, le quartier du Moncel, pour y avoir vécu. Ok. un petit moment. Et donc, mais ça reste des beaux endroits et c'est des endroits de mixité sociale, de découverte. Et c'est des choses que nous, en tant que militants et en tant que professionnels, on adhère, quoi. Okay. Ouais. Mais c'est clair qu'il faut des codes sociaux. Enfin, voilà, ça demande un certain cran ou juste de savoir que ça existe et qu'on peut rentrer, quelles que soient nos origines sociales, quoi. Et ça, je pense que c'est un travail de longue haleine pour les centres culturels, cette chose-là. Voilà, mais puis c'est un peu inhérent à tous ces centres culturels qui ont la volonté aussi d'ouvrir ces portes-là, mais toujours compliqué de demander à un public de venir. Alors, il faut les accompagner via l'école, via les centres sociaux, et tout ça ouvre les portes au fur et à mesure. Après, je rappelle à nos auditeurs aussi qu'on développe depuis des années en tant que radio associative des projets dans ces quartiers dits prioritaires de la politique de la ville, et donc la volonté, c'est aussi d'ouvrir les micros et d'amener tout citoyen à pouvoir s'exprimer. Alors, s'exprimer, ça sera ce qu'on va entendre dans cette capsule audio, ce podcast, ce reportage audio, je ne sais pas comment le nommer précisément. Anaïs, est-ce que tu l'as écouté ? Oui, je l'ai déjà écouté. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai pas aimé me réentendre dans ce podcast, mais j'ai... Est-ce que tu as aimé écouter les autres et entendre les autres ? Oui. Voilà, donc ça veut dire que les autres ont aimé t'entendre et que c'est toujours difficile d'entendre sa voix enregistrée, ça c'est un exercice compliqué. Donc tu l'as écouté, est-ce que ça trahit pas la vérité, c'est la vérité de ce qu'il en est ressorti ? Oui, oui, oui. Bon, ça c'est juste Louise, tu n'as pas menti dans le montage. Ah bah, de toute façon, j'ai pris que ce qui était enregistré déjà de base, donc l'endroit... Comme j'étais obligée de faire un montage et d'enlever certaines parties, j'ai pas pu tout mettre, et il y a notamment des choses que je trouvais intéressantes mais que j'ai pas mises, donc forcément il y a un choix derrière, mais tout ce qui est dedans part des ateliers qu'on a fait, oui. Au niveau de la MJC, c'est important ça aussi, de ce qui est réalisé au sein des murs et ensuite une possibilité de diffusion au-delà de la structure. Bah ouais, carrément, nous on essaie de valoriser justement l'action jeunesse, l'action des jeunes, les valoriser, que ça soit avec des gens qui connaissent ou aussi avec des gens qui connaissent pas. Et pour nous, c'est aussi un axe très important dans notre projet, justement, de valoriser ces paroles-là et de la diffusion, que ça soit sur du spectacle, que ça soit sur du podcast ou que ça soit sur du concert. Ouais, quelque chose qui est important. Alors, merci Anaïs d'avoir pris de ton samedi après-midi pour venir parler à la radio sur les antennes de Radio Dio, sur les antennes de Radio Ondaine. Merci Louise Forêt d'être venue au titre de La Tranchante. Merci Jemine Beramdan d'être venue aussi pour parler de ce projet de la MJC des Tilleuls. Alors, ce qu'on vous propose pour nos auditeurs et puis pour le public présent ici, c'est d'écouter l'intégralité finalement de ce reportage audio issu de ces 4 jours d'atelier théâtre mené autour du spectacle À la fin, le colibri, il meurt. Lionel, je te laisse lancer ce son. Merci à vous. Oui. À partir de maintenant, quand vous voulez. Planète. Condition. Fin. Électricité. Déchets. Système solaire. Ozone. CO2. Fond. Déforestation. Méthane. Voiture. Abondance. CO2. Climatique. Vert. Concombre. Plastique. Vie. Technologie. Abondance. Réchauffement climatique. Énergie. Arbre. Recyclage. Évaporisation. Bois. Forêt. Fonte et glacier. Gaucho. Je suis Louise Forêt, de la compagnie de théâtre La Tranchante. Et j'ai travaillé en octobre 2025 avec un groupe de la MJC des Tilleuls à Saint-Étienne, autour des notions d'écologie, de dérèglement climatique, mais aussi de santé mentale, de révolte et d'engagement. Avec ces jeunes de 12 à 15 ans, on a exploré ces thématiques pour leur permettre de mieux comprendre le spectacle à la fin Le Colibri, il meurt, mais aussi pour les lancer dans l'écriture de leur propre spectacle autour de l'écologie. Et ben, on va continuer sur un petit jeu coopératif qui s'appelle Le Pingouin. Vous allez tous prendre une chaise chacun et les mettre un peu partout dans la salle. Le but du pingouin, ça va être de s'asseoir sur une chaise libre. Le but de tous les autres qui ont le droit de courir, eux, c'est de ne jamais le laisser s'asseoir, donc de ne jamais le laisser s'approcher d'une chaise vide. Vous allez devoir, les autres, vous lever, courir pour aller occuper les chaises vides. Mais dès que vous vous êtes levé pour aller occuper la chaise vide, en fait, vous laissez vide votre propre chaise aussi. C'est parti. Ouais. Il la voit arriver, mais là, ceux qui sont plus par là, au lieu d'aller vous mettre sur la chaise, vous avez vu Arthur aller s'asseoir et vous avez tous fait oh, alors que vous auriez pu y aller. C'est ce que je dis, c'est que c'est plutôt à ceux qui sont loin du pingouin de faire attention à où il va s'asseoir. Donc faut pas attendre le dernier moment que le problème il arrive vers nous. Ok, faut anticiper et surtout faut que ceux qui sont plus loin soient en coopération avec ceux qui sont plus près du pingouin. On en refait une. C'est qui du coup qui... Nayade. C'était Nayade. Tu vas te mettre vers Anaïs. Dans sa chambre, il regarde le robinet qui goûte. L'homme pense. C'est une goutte. Je pourrais me lever et aller fermer le robinet. Mais je ne peux pas tout faire moi-même. Pendant ce temps, les gouttes tombent l'une après l'autre. Il voit la goutte fatale qui fait déborder le vase. Il sent ses pieds qui se mouillent et il pense. Tôt ou tard, goutte après goutte, l'eau inondera ma chambre. Le plancher cédera sous le poids de l'eau, mais le plancher de ma chambre, c'est le plafond de la chambre du dessous. Des milliards de gouttes feront s'effondrer le plafond. Les chambres s'effondreront l'une sur l'autre jusqu'à ce que tout l'immeuble s'écroule et l'eau engloutira les décombres. Un homme est assis dans sa chambre. Il regarde le robinet qui goutte et il voit le déluge. Et il pense. C'est pas possible. Non, c'est vraiment pas possible. Alors, il se tourne sur le côté et regarde le mur. Il cesse de penser à la goutte. Il sourit et s'endort, et sereinement se noie. C'était La Goutte, extrait de Discours à la Nation, de Ascanio Celestini. On va continuer à discuter un petit peu autour de ces questions-là, sous forme d'une sorte de petit jeu de placement sur une échelle. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser des questions qui sont en lien avec nos thématiques. Quand on vient se mettre ici, vraiment collé au plateau de jeu, là, c'est... À 100%, oui. Si on va se mettre au bord de ce plateau-là, c'est complètement non, 100% non. Et après, vous pouvez aussi vous placer sur toute la nuance qu'il y a entre les deux. Première question, je suis facilement en colère. Là, c'est non. Donc là, quand même, il y en a, vous êtes tous... entre le au milieu et le oui. Donc il n'y a personne qui est du côté du non sur je suis facilement en colère. Est-ce que l'un ou l'une de vous veut expliquer pourquoi il ou elle s'est mis là ? C'est l'enregistrement qui vous intimide ? Oui. Ouais. Ouais. Non, c'est juste que moi, je sais pas quoi dire. Parce que t'avais envie de te mettre vraiment complètement, t'avais envie de dépasser la limite du oui, Arthur. Ouais. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, c'est pas vraiment... c'est pas 0, 5, 10, ma colère, non, c'est de 0 à 100% direct. J'ai le droit d'être en colère. Oui. C'est pas forcément que j'ai raison, mais j'ai quand même le droit de me mettre en colère. Moi, je me suis mis là parce que je suis pas totalement... on peut se mettre en colère, bah, après ça, on a le droit. Mais aussi, on peut, quand on se met en colère, on peut pas la contrôler des fois, puisque bah, c'est une partie de nous quand même. Moi, je me mets en colère des fois, mais des fois, on peut essayer de contrôler, mais pas tout le temps. Et ben, la deuxième question, c'est... Je suis facilement angoissée. Ah, c'est un peu plus partagé, là. Là, on a plutôt quand même... on a des extrêmes au oui, des extrêmes au non. On en a qui sont vers le non, mais pas tout à fait à côté, et d'autres qui sont vers le oui, mais pas tout à fait à côté. Oui, par contre, on a une ruade sur le oui. Moi, dans des situations de possible d'angoisse où des personnes vont directement s'angoisser, c'est pas que je fais la part des choses, mais c'est que je fais la balance. Je me dis les bons côtés comme les mauvais. Après, je me dis ce qui se passera, c'est le mec de face, c'est le destin, et voilà, j'y vais comme ça. Alors, un ou une qui s'est mis complètement vers l'angoisse. Ouais, Emma ? En fait, quand il y a beaucoup de choses, par exemple l'école, le sport, tout ça, et que ça se combine, bah parfois en fait on appréhende, genre les contrôles ou alors les compétitions, et parfois ça combine genre des boules, et genre ça va faire des crises d'angoisse, etc. Genre t'as la boule au ventre et tu peux pas dormir, t'attends que ça passe quoi. La quatrième, tout ça, genre il y a plus de contrôle, plus de pression, etc. Il y a aussi ce qu'on veut faire plus tard, etc. Genre je reste parce que moi j'aime pas l'école, genre je sais pas trop comment dire. J'ai pas envie de faire des grosses études, sauf que mes parents, eux, ils voudraient. Ouais. Et du coup, ça, c'est stressant, on veut. Okay. L'autre jour, j'ai fait un rêve. J'étais à l'usine, au travail, et à côté de mon métier, l'ingénieur travaillait aussi. On prenait son temps, on allait lentement. J'ai même lu un grand journal, où il y avait un titre fantastique. Travailler peu, vivre beaucoup. Puis, je suis allée faire un petit tour dans un grand parc plein d'enfants et dans un jardin. Il y avait mon enfant qui jouait. Mon enfant m'a prise par la main. On m'a conduite à notre maison, au premier étage. Il y avait un potager tout autour. Tout le monde parlait et on discutait. Puis, une chose après l'autre, tranquillement, on la réglait. Personne ne jouait au tyran. Personne ne se donnait des airs de commander. Mais il y avait une chose interdite. Il était interdit de dire « je », de penser « je ». Il fallait toujours penser « nous, nous, nous autres ». C'était « Le rêve » de Dario Fo. J'ai envie de changer le monde. Donc, oui là-bas, non ici. Bah, on a envie de changer le monde, c'est sûr, parce qu'il faut changer. Mais à mon avis, on a un peu des quichottes. On n'a pas les moyens de changer le monde. Nous. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, selon toi ? Notre économie. Ouais. Le gouvernement français. Et toi, Grégory, pourquoi tu t'es mis par là ? Pour la même raison que j'ai... Il y a plein de choses à changer, mais je sais pas forcément quoi, et je sais pas comment faire forcément. C'est quoi les choses qui pourraient te déranger, ou tu te dirais ça serait bien que ça soit différent? Alors, ça serait bien qu'on arrête les guerres aussi. Ouais. Juste. Anaïs, tu veux dire pourquoi tu t'es mise là? Je me suis mise là, un peu comme Grégory, j'aimerais bien que le monde change, mais je sais pas, moi j'ai juste... Je sais pas comment arriver à changer. Les choses que j'aimerais bien qu'ils changent, c'est les guerres, l'idée de aussi la famine, les SDF aussi, et les discriminations en général aussi. Ouais. Peut-être faudrait remettre en question les gens qui gouvernent. Parce que je suis désolée, mais là, ça va pas du tout. Hein. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ils sont indécis. Après, je sais pas exactement parce que je suis pas très bien calée, mais en tout cas, je sais que ça va pas du tout. Que des premiers ministres, on en a vu plein. Que le président, il en fait qu'à sa tête. Et qu'il écoute pas ce qui se passe, quoi. Ses compatriotes. Ça a une influence sur ta vie, ta vision du monde ? Bah, pas sur ma vie parce que je suis encore jeune, mais sur mes parents, sur les enseignants. Ouais. Je me suis mis dans le nom. J'ai pas les moyens. Et en plus, on est un peu rentré dans un cercle vicieux parce que la productivité de tout augmente en boucle. On peut, ça augmente sans cesse. On peut presque plus arrêter les machines, quoi. Je suis d'accord. On peut pas, on n'a pas tous les moyens, etc. Même moi, je pense que j'aurais pas les moyens. Mais au moins, faut un peu quand même genre réfléchir un peu à ça et voilà. Quand je pense à l'avenir, j'ai de l'espoir. Et là, tout le monde change complètement de place. Alors là, il y a plus de monde qui s'est mis un peu entre les deux au milieu. Il y en a quand même deux qui sont aux deux extrêmes. Moi, je pense qu'il y a de l'espoir parce que même s'il y a des mauvais points, on peut quand même arranger certaines choses. Donc moi, je me suis placé au milieu parce que de mon point de vue, pour mon avenir, je sais pas trop. Mais dans le monde en général, maintenant que je grandis, je vois à la fois plein de nouveaux points positifs et de choses magnifiques qui se passent. Mais en même temps, je trouve le monde de plus en plus horrible. Je sais que la guerre ne s'est jamais réellement terminée dans le monde, mais là, ça commence à s'intensifier de plus en plus. Donc il y a des chances qu'il y ait des grosses guerres dans pas très longtemps. Alors en fait, moi, j'ai pas d'espoir. Je comprends pas comment on peut avoir de l'espoir pour le monde. Alors qu'il y a plein de choses qui vont mal et qui s'intensifient, qui se propagent. Les gens, ils se détruisent entre eux. Réveille-toi, Pierre. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qu'ils font. J'ai voulu te croire, moi, pour une fois. J'ai voulu croire que les adultes pouvaient changer. Mais en fait, ils s'en fichent. Ils démonissent. Comme d'habitude. Tu disais ça aussi. Des démonisseurs. Que des démonisseurs. Tu dis ça comme s'il n'y avait plus d'espoir. Je dis ça parce que c'est la vérité. Tu dis ça parce que c'est pas vraiment important pour toi. Toi, tu vas repartir. Tu vas continuer ton tour du monde. Mais moi, je serai toujours là. S'ils détruisent la forêt, c'est ma maison qu'ils détruisent. C'est pas vrai ce que tu racontes, Pierre. Ta mare, elle est importante pour moi aussi. Des machins minuscules que je connaissais pas, je les aime bien moi aussi maintenant. Je veux pas qu'ils détruisent tout ici. Je veux pas qu'ils détruisent plus rien, jamais. Tu veux vraiment les empêcher de démolir la mare? Évidemment. Alors suis-moi. J'ai une idée. Une dernière chance pour la mare à sorcière. Ah, lui dire non. J'ai toujours pas trouvé comment on fait. C'était La mare à sorcière de Simon Grandjean. Et par rapport à la notion d'écologie, pour revenir un petit peu à ce thème-là qu'on essaye de creuser. L'écologie. C'est quoi ton rapport à l'espoir par rapport à écologie, réchauffement climatique, tout ça? Le réchauffement climatique, déjà, ça dure depuis bien longtemps. Les ours polaires, déjà, là, ils ont quasi plus d'endroits où aller. Moi, je trouve que j'ai quand même un peu d'espoir. Et parce que, déjà, savoir que des choses, on peut les changer, c'est déjà bien. Donc, c'est pour ça, moi, je trouve qu'il faut faire quand même s'activer un peu pour un peu changer. Comme ça, l'espoir, il renaîtra peut-être un peu pour certaines personnes, à part si y a des gens, ils ont de l'espoir. Mais pour ceux qui n'ont pas trop d'espoir, ils peuvent faire des choses pour que l'espoir, ils renaissent. Parce qu'il y en a qui se plaignent et qui font rien. Donc, c'est un peu illogique. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood with your empty words. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. Thank you. quand elle fait ce discours-là, Greta Thunberg, à l'ONU, elle, à l'époque, c'était en 2019, et elle avait, je pense, 17 ans. Enfin, elle n'était même pas majeure, en tout cas. Elle est devenue le visage de toute une jeunesse qui se bat pour l'écologie et qui confronte vraiment les politiques et les adultes. Il y a beaucoup de gens qui la craignent beaucoup et qui... Peut-être entendu ça, parce qu'elle a été victime d'un attentat il n'y a pas longtemps. Oui, un colis piégé devant chez elle. Ouais. Parce qu'il y a des militants plutôt d'extrême droite qui sont en désaccord avec ce qu'elle prône, et comme elle a beaucoup d'influence, qui essayent de la faire taire. Quoi. Et toi, tu l'avais déjà regardé, ce discours ? Oui, je l'avais travaillé en classe. Et il y a aussi des citations comme ça dans Le monde se réveille et le changement arrive. Que cela vous plaise ou non ? Vous, les autres, c'est la première fois que vous voyez ce discours-là, ouais. Du coup. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bah, elle est courageuse, hein. Tout le monde s'en fiche. Et elle, en fait, elle va venir les réveiller alors qu'elle a 17 ans, que c'est pas son rôle. Et vous avez vu comment elle leur parle ? Elle parle devant des gens qui ont énormément de pouvoir. Et il y a des phrases quand même qu'elle leur dit. Comment osez-vous ? Que ça vous plaise ou non ? Elle leur dit, vous êtes immature. Elle était en colère, on avait l'impression qu'elle avait pleuré, on dirait. Ouais, vous vous rappelez dans Semeur de panique, cette espèce de long monologue où il y a le personnage de Jo qui parle aux adultes et qui leur dit leurs quatre vérités. Je pense que ce texte a été vraiment inspiré par le discours de Greta Thunberg. Je suis Jo, le porte-parole. Puisque vous, adultes, demandez une réponse de notre groupe, les Semeurs de panique. Déjà, ça c'est qu'aujourd'hui nous sommes 100. Mais que demain nous serons 10 millions. Ensuite, que c'est totalement inutile de faire de jolies phrases, de parler comme des poètes, de nous menacer comme des policiers, de nous amadouer comme des charmeurs de serpents. Vous êtes à côté de la plaque. Non, on ne rentrera pas à la maison. Non, on ne se lavera pas les dents. Non, on n'ira pas au lit, parce qu'on ne peut pas dormir quand la terre a soif. Quand on voit sous nos yeux des arbres qui ont plus de 100 ans décrépir. Quand vous menacez de nous dépatouiller à trouver des solutions à des plaques qui étaient déjà des problèmes avant notre naissance. Oui, on sème la panique. La pluie, l'ouragan. Le tonnerre. Ne s'arrêteront pas. Nous ferons déferler notre colère pour guérir la terre sous nos pieds. Nous n'accepterons aucun compromis. Aucun, mais vraiment aucun. On fait ce qu'on peut, aucun. Vous comprendrez plus tard. C'est maintenant, maintenant. Nous préférons vivre la sauvagerie des forêts, des océans, des déserts, des glaciers, plutôt que d'être bercés par vos bras mollassons. Guidés par vos principes paresseux. Le monde est un enfer. Vous ne pouvez pas ne pas le voir. Vous nous avez mis au monde. Vous nous devez ce monde. Nous exigeons un monde vivable. Et si nous ne l'avons pas ? Nous ne vous pardonnerons pas. J'ai tout dit. J'espère que c'est clair. D'ici là, si rien ne change... Si vous ne voulez pas nous entendre... Notre colère continuera de labourer vos champs. Sans répit, sans répit, sans répit. Voilà, vous savez tout. Allez. Bisous. C'était Semeur de panique de Mathilde Souchaud. Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Flash Débat, un débat sur qui est le plus écolo. Que le débat commence. On met des composts dans la cuisine. Ça attire les mouches. Et alors ? Vous n'aimez pas les mouches ? Vous aimez les souris mais vous n'aimez pas les mouches. Oui, c'est contradictoire. Personne n'aime les mouches. Nous recyclerons le carburant des voitures. Les matériaux des voitures seront biodégradables. Non, les voitures rouleront à l'eau. Moi je fais tout moi-même. Donc j'utilise pas de plastique, j'ai des poules, je peux manger leurs œufs, j'ai un potager, du coup je peux manger les légumes de mon jardin, j'ai des fruits. D'accord, si je peux me permettre, vous faites partie de la classe moyenne. Mais ceux qui vivent en appart ou alors en ville ne peuvent pas avoir de poulailler, ils ne peuvent pas avoir de potager. Vous faites quoi pour aider les espèces en danger, etc. Puisque quand même... Je suis végétarien. Alors que faites-vous pour éviter la pollution par rapport aux véhicules comme les voitures et tout, le CO2, etc. Alors déjà, moi j'ai fait un calcul de comptabilité et j'ai trouvé que l'abonnement Vélivert par année, il était plus rentable que de mettre des pleins d'essence tous les mois. Et du coup, qui fait que vu que j'habite en ville, et ben, le matin je prends des Vélivert et c'est électrique, ça use pas d'essence ou quoi. Je mets des télésièges pour aller d'un endroit à un endroit. Ça use de l'électricité, le bus. Bah, comme les vélos. Les vélos d'hiver. Et dernière question, que faites-vous pour la déforestation et pour lutter contre la déforestation et tout ? Bah, moi déjà, ce que je fais, c'est que j'évite d'utiliser des feuilles, etc., vu que ça provient des arbres. J'écris sur les murs, voilà, comme les Kids United en 2015. C'est un peu ce que tout le monde fait, mais... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Et le tag, tu crois que ça fait pas de la pollution? Du coup, oui, dans l'idée, je vous avais demandé d'amener des textes, des chansons, des références de films, etc. Autour des thématiques sur lesquelles on travaille. Donc, Anton. Donc, en premier, on a Céleste, ma planète. En fait, l'histoire, c'est qu'il y a un jeune garçon dans un futur lointain qui rencontre une fille. En fait, cette fille, elle a les maux dont souffre la planète. C'était Hiro de Soprano sur une musique de Scalp. Alors, elle est super intéressante cette chanson. Pourquoi tu nous l'as amenée du coup? Non, parce que en fait ça parle d'attentats, d'écologie, un peu l'Alaska. Ouais. Toi, quand tu l'écoutes cette chanson, elle te fait quoi? En fait, ça me fait comprendre qu'il s'est passé plein de choses. Et à la fin, il dit que de toute façon, on peut pas changer le passé. Et on vivre que dans le présent, il finit là-dessus. Ouais. Ça peut être intéressant de réfléchir à comment faire évoluer les choses pour pas que les choses se produisent dans le futur. C'est le seul endroit où c'est possible d'avoir un impact, quoi. J'ai apporté un manga qui s'appelle Circe, qui est fait par une fille qui est sur Paris, qui s'appelle Anaïs Eustache. Et en gros, ça parle de la pollution dans un futur à Paris, où Paris, c'est la ville la moins polluée du monde. Et ça, y a aussi un peu de magie, de la science et tout. Et surtout, j'ai pensé à le ramener parce que ça parlait de la pollution. Et ils essaient de trouver un moyen pour qu'il n'y ait plus de pollution. Je pense que si on continue à toujours plus consommer, à plus avec les voitures aussi, je pense que ça pourrait arriver. Puce poumon. Avec la nouvelle puce poumon, finis les crises d'asthme. Vous pouvez enfin sortir sans masque. Avec la nouvelle puce poumon, vous pouvez enfin respirer sans tousser, sans vous étouffer. Nouvelle puce poumon, demandez-la à vos parents. Je crois en la forêt, en la prairie et en la nuit où pousse le maïs, de Julie Cordier. Sur son Arthur, je commence l'auteur de naissance. Allez. C'est de qui? Orelsan. La peur des persuadés, des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur fait prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur fait croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique est poussée à crier que la terre meurt et personne n'en a rien à branler. Tu aimes bien cette chanson, Arthur? J'aime surtout bien Orelsan et du coup, je l'ai écouté plusieurs fois celle-là. Ouais. Et j'ai tout de suite pensé à cette musique. Ouais. Je sens les mauvais points qu'on a dans le monde actuel. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que des chansons comme ça qui dénoncent beaucoup de choses, est-ce que ça a un impact? C'est quoi l'impact? Sur les jeunes. Parce que si à la fin c'est un modèle pour les gens, et si par exemple il poste une vidéo où il dit tout ce qu'il pense du gouvernement, et par exemple ça va inciter plus de gens à voter. À un moment donné, il dit une petite réplique sur les artistes justement, il dit que. Oui, il dit c'est le résultat quand on sort sur les artistes. Oui, en gros, il dit qu'il y a beaucoup de youtubeurs sur les réseaux qui sont fascistes. D'ailleurs, c'est vrai que c'est quand même de Mr. Beast, je suis désolée, mais à un moment, il faut peut-être se remettre. Mr. Beast. Non, mais en tout cas, c'est vrai que sur les réseaux, notamment sur YouTube, il y a plus en proportion d'influenceurs d'extrême droite. Ça se voit, il a visé Mr. Beast. Et du coup, il achète des lambeaux, il fait plein de trucs et tout. Après, il détruit les lambeaux qu'il achète. Vraiment, genre, il gaspille. Il fait un gros gaspire. Il consomme des millions. Non, tu vois, quand il achète les voitures de l'autre, là, comment il s'appelle là, Elon Musk, il achète des Tesla, il les donne aux gens, mais mec, en fait, je sais pas, investi dans d'autres trucs. Mais Mr. Beast, tu vois, quand il a fait plein de chantiers pour faire des puits en Afrique. C'est des voitures, c'est pour plaire aux autres. Je suis désolée, mais quand t'achètes des Tesla à Elon Musk et qu'à côté tu fais d'autres trucs, il y a un peu un esprit de contradiction. C'était fait insulter parce qu'il savait que justement, ils se feraient juste de l'argent sur leur dos. C'est qui Mr. Beast? En fait, c'est sans forcément que vous alliez chercher ces vidéos-là. Ça vient sur vos fils. Mais ce qui est horrible, c'est que ça fait des millions de likes. Après, sur les réseaux, en gros, il y a des réseaux où il y a plus de jeunes publics, etc. Et en fait, ces jeunes publics, parfois, ils lancent des révoltes, ils lancent des textes et ils mettent à republier et il y a des millions de republications, etc. Mais souvent, en fait, c'est sur des réseaux où il y a plus de gamins. Par exemple, Cat Cut, il n'y a pas beaucoup d'adultes. Quoi. Non, mais c'est des révoltes, mais elles ne prennent pas forme dans la vie réelle après ces révoltes. Si, si, parfois, si. Genre, il y a des manifs et tout. Ok. Mais... jeune qui était dans une voiture, alors qu'il devait pas être dans une voiture, mais il l'a tué à bout portant. C'est ça qui a déclenché les manifestations. Un policier, il a pas, s'il a pas de raison de tuer quelqu'un, il a pas le droit de la tuer la personne. Il doit avoir une raison valable pour tuer quelqu'un. Mais juste quand t'as dit ouais, c'était un voyou dans une voiture. Non, c'était pas. J'ai pas dit que c'était un voyou. Si t'as dit c'est un voyou. Non, mais j'avais dit qu'il y avait quelqu'un. Déjà, je comprends pas ce que tu veux dire par voyou. En fait, juste, il était dans une voiture et le policier, il a aucune raison de le tuer. En gros, c'est un livre de science-fiction un peu qui se passe. T'as les 1900, mais t'as un monde où il y avait des robots. Comment ça s'appelle ? Le cycle des robots. Okay. En gros, le livre, c'est plein de petites nouvelles dans ce monde, justement. Il y a une des nouvelles où ça parle que des robots qui ont aidé pour régler les problèmes climatiques et de surpopulation. Mais là, ils aident les humains pour dépolluer, justement. Ouais. L'IA, en termes d'écologie, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ou lu des choses par-dessus, mais c'est très, très polluant. Ouais. J'avais un article dans un magazine où, une question-réponse, on va dire, avec ChatGPT, ça équivalait à l'équivalent d'un an de charge d'un téléphone. Je suis un homme à parapluie. Devant moi, il y a un homme sans parapluie. Il pleut. Pour moi, c'est pas un problème, j'ai un parapluie. Mais lui, non. Il est sans parapluie. Les gens à l'âme noble vont dire qu'il faut que je donne mon parapluie à cet homme sans parapluie. Mais dans une vision générale des choses, ça changerait rien. Il y aurait quand même un homme avec parapluie et un homme sans. À ceci près, que ce serait moi, celui qui se mouille. C'est pas ma faute s'il pleut. Je m'abrite parce que j'ai un parapluie. Mon père aussi en avait un, et mon grand-père idem. Nous sommes des hommes à parapluie depuis de nombreuses générations. L'homme sans parapluie aussi, et un fils d'homme sans parapluie. Je pense qu'ils sont sans parapluie depuis plusieurs générations. Je peux me montrer solidaire avec lui. S'il veut, je lui envoie 1 euro par SMS. Je l'ai fait pour les enfants africains. Et aussi pour les victimes du tsunami. En un certain sens, je suis de son côté. J'éprouve de la gêne à cause de ma condition de privilégié. Mais c'est pas moi le responsable de la pluie. Moi, j'ai juste un parapluie. Voilà que l'homme sans parapluie s'avance vers moi. Je suis un pacifiste. Alors je l'autorise à se mettre dessous. Mais pas sous le parapluie. Sous mes pieds. Maintenant, grâce à moi, il se protège de la pluie. Sa condition s'est améliorée. Par exemple, je mange un morceau de pain. D'aimer de tomber, lui, il lâche le sol. Grâce à moi et à ma disponibilité, il s'abrite et se nourrit. La loi de la gravitation est de son côté. Je fume une cigarette, jette le mégot, et lui, il tire une dernière bouffée. Je les paie, mes cigarettes. Alors que lui, les mégots sont gratuits. Résumons. Il s'abrite, mange et fume. Et en échange, il reste là, dessous, à rien faire. Je ne veux pas dire que par là, il se la coule douce. Ce n'est pas amusant d'être en dessous. Mais à coup sûr, c'est mieux d'être sous mes pieds que sous la pluie. C'était « L'homme au parapluie », extrait de « Discours à la nation » de Ascanio Celestini. Imaginez votre endroit préféré, là, que vous nous avez décrit en audio et sur scène, de l'imaginer dans le futur. Comment cet endroit il aura changé? Est-ce qu'il existe toujours? Comment le monde autour a changé? Et du coup, quel impact ça a éventuellement sur cet endroit-là? Journal de bord. On est en 2061. La maison de Toulon, 2150 ans plus tard. On devait être en 2095. L'an 2038. Nous sommes en l'an 2045. Nous sommes en l'an 2500 après la catastrophe naturelle et j'ai eu pour mission de retrouver sur Terre pour chercher des traces de vie et pour voir à quoi ça ressemble. Ça fait 100 ans. 100 ans que je ne suis pas retournée dans cette maison, dans cette petite île qui est devenue une île indépendante. Elle n'appartient plus à la France. La végétation était revenue. Il y avait plein d'arbres, plein d'animaux. Quand je suis rentrée dans la maison, rien n'avait vraiment changé. Il y a toujours ces petites terrasses dehors, avec son chemin de pierre qui amène jusqu'à la piscine. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus personne. Maintenant, dans la piscine, il y a plein d'animaux qui se baignent. À la place des bambous, il y a des tas de cendres. On n'entend plus les cigales, mais des bruits d'avions et de voitures. La mer est noire à cause des cendres, du ciment et de la pollution. On ne peut plus rentrer dans la salle de bain du haut car des serpents très venimeux ont fait un nid dedans. Puis c'est là que j'ai retrouvé ma vieille maison. Ma maison de quand j'étais jeune, quand j'étais ado. Le quartier aussi a changé. Pas mal de maisons se sont effondrées sous le poids de la pluie. Il pleut à Saint-Étienne. Puis la route est craquelée, fissurée. Les plantes ont submergé les trottoirs. La porte en bois avait moisi avec le temps. Les murs bleus avaient une teinte turquoise de par l'âge et la fenêtre était brisée. Mon lit, lui, en bois pas protégé, s'était mis un peu à moisir. Franchement, cette chambre n'est plus la chambre accueillante d'avant. Les couleurs vives qui l'arpentaient ont disparu. Franchement, tout ce que j'y retrouve, c'est de la désolation, de l'abandon, de la tristesse. Aujourd'hui, il fait vraiment chaud. La température mondiale a augmenté de 13 degrés et je suis de retour dans mon ancien collège. L'internat est devenu un hôpital psychiatrique. La haine et toutes les émotions négatives se transformaient en petits insectes qui paralysaient et rendaient complètement fous. Et du coup, c'est devenu un hôpital psychiatrique pour gérer ces gens-là. Je retourne en premier au stade d'athlétisme, qui était mon endroit préféré en 2025. Je découvre en premier que la piste a fondu. La couleur rouge a viré à une couleur plastique fondue. L'herbe est devenue toute sèche, elle est jaune. Les gradins sont à présent effondrés, impossible d'y monter. Les zombies ont affecté 93% de la population à cause d'une expérience ratée du Dakota du Nord. J'ai maintenant 25 ans. Tous les étages sont très endommagés à cause des zombies et du réchauffement climatique. Mon lit est usé. Mes mangas sont tous déchirés, sauf le tome 28, 27, 2 et 1 de Blue Lock qui sont encore en bon état. Je monte jusqu'à l'étage. La porte est un peu... On dirait qu'elle a un peu été forcée. Et je vois beaucoup de griffures sur les murs. J'imagine que c'est des souris qui l'ont fait. À chaque griffure, il y a un peu de couleur, genre. Ça veut dire que les souris utilisent de leur couleur pour griffer les murs. Dans la zone industrielle de Saint-Étienne, nous nous retrouvons à mon ancienne maison où je vois que déjà la peinture blanche de l'immeuble est devenue grise à cause de la pollution énorme de la zone. En rentrant dans ma maison, je vois que la grosse armoire de l'entrée et coupé en deux, il manque la moitié. Quand j'arrive dans ma chambre, le premier truc que je vois, c'est que tous mes Legos, ils ont tous disparu. On ne peut plus sortir dehors sans mettre des casques qui nous couvrent entièrement le visage. Et l'odeur de l'été est remplacée par l'odeur des cendres. La musique n'existe plus. Bienvenue dans le futur. Je trouve qu'après, ça pourrait être tout ça, ça pourrait être des pièces. On peut dire que là, on fait une sorte de puzzle et qu'on a plein de pièces différentes. On fera le spectacle à partir de ces pièces. On va faire un spectacle. Non, on verra, il y aura d'autres vacances aussi. Là, c'est pour avoir de la matière.